Chapitre 1 Sur les ruines du capitalisme. C'est un matin de février que tout a commencé. Un matin de février 2127. Sans ce matin, il n'y aurait pas le musée. Vous ne seriez pas là et moi non plus. Le 12 février 2127, pour être précise. Camille Fougère, dite Cam la Pioche, dite aussi Cam, cheminait à travers la grande forêt wallonne avec son matériel de capitalistologie. Cam était une capitalistologue renommée, la meilleure de toutes les zones sorcières autonomes de Wallonie, de Belgique, de Francie et de Germanie. Elle cheminait quand elle tomba sur une structure en béton nu. Elle sortit sa pioche, sa pelle, et commença à déblayer le site. Après 6 mois de fouilles, elle parvint à établir un certain nombre de faits, extrêmement bien conservés dans les siècles grâce aux fumigations de pesticides, désherbants et autres produits caractéristiques de l'ère capitaliste tardive. Les ruines de béton témoignaient de la présence ancienne de ce que l'on appelait à l'époque un centre commercial. Ses recherches ultérieures établirent que le lieu portait le nom de Centre commercial Décathlon et qu'il avait été construit essentiellement à partir de tôles ondulées, de béton et de moquettes en plastique dans un style typique du low-cost début 21e. Il n'y avait pas de meilleur endroit que ce bâtiment capitalisto-tardif pour installer le musée du capitalisme tardif dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Outre l'intérêt historique du centre commercial en lui-même, le musée se dresse au milieu d'un site archéologique très riche en artefacts d'époque. En janvier 2142, près d'un siècle après la chute du capitalisme tardif, la petite équipe s'est constituée pour créer cet espace. Elle est parvenue à rassembler une collection exceptionnelle de 32 273 artefacts d'époque auprès d'historiens, de capitalistologues et de collectionneurs de tous les continents. C'est peu après que je suis arrivée. Moi, c'est Tiphaine Montès, dite Tif la Mouche, dite aussi Tif. En fait, j'y suis arrivée il y a 3 ans tout pile. Faites le calcul, 2147-3, je suis arrivée en septembre 2144. Je suis chargée de mission au musée du capitalisme tardif, en charge des visites guidées, des archives indéchiffrables et des vieux trucs déterrés. Ça fait longtemps que je prépare cet audioguide et j'ai prévu de parler de pas mal d'artefacts pendant la visite. 32 273, très exactement, si vous avez un peu de temps devant vous. Je commence avec mon préféré, le B-2980-14, aussi intitulé Chariot rouillé. Vous le voyez? Je parle du chariot avec les algues, l'une des premières pièces du musée. Des chariots de ce genre ont été retrouvés systématiquement à proximité des ruines de centres commerciaux, laissant supposer qu'il y avait un usage. Et maintenant, fermez les yeux. Imaginez-vous dans la peau d'un consommateur capitaliste tardif. Vous vous trouvez en pleine apocalypse, à une date quelconque de la période, par exemple, je ne sais pas, quelque part aux alentours de septembre 2020. Vous êtes là, vous portez des vêtements à base de tissus plastiques cancérigènes, vous assistez avec impuissance à la destruction de la plupart des formes de vie terrestre. Vos projets d'avenir sont indexés sur votre notation de crédit. Vous y êtes? Parfait. Il est entre 9h et 19h. Les allées du centre commercial sont remplies d'une centaine d'individus qui poussent des chariots en fer rouillé. Vous-même poussez un chariot. Pourquoi? Dur à dire. Sur le sujet, j'ai seulement recensé les recherches d'une certaine Marcella Noisette, dite Céla Lannoy, dite aussi Céla, capitalistologue et cultivatrice de noisetiers d'une friche de Francie du Nord. Cella note qu'en se munissant du chariot, le consommateur capitaliste au tardif insérait une pièce de monnaie dans le boîtier en plastique. Cella affirme que le chariot ferait partie d'un rituel superstitieux, l'insertion de la pièce protégeant contre les forces maléfiques lors de la déambulation dans le centre commercial, par exemple contre le chômage, le surendettement, l'arnaque. Attendez, pour que la mise en situation soit parfaite, je vais vous faire écouter un truc. Je suis en train d'archiver des documents audio. J'ai déblayé les sous-sols du musée pour mettre les bandes magnétiques qu'on déterre. Il faut juste que je retrouve la bonne bande. J'ai déjà rassemblé 8473 bandes magnétiques, donc c'est plutôt compliqué. Ah, j'y suis. Écoutez. Mince, non. C'est pas le bon enregistrement. Attendez, j'essaye un autre. Ah, peut-être que... Billions and billions and billions and billions and billions and billions and billions and billions... Mince, ça non plus. Attendez encore. Ah, voilà. Exactement ce que je cherchais. C'est émouvant, hein. On dirait qu'il cherche à communiquer avec nous. Bon, je passe à l'artefact suivant, le W-1263-02. On avance, il ne nous en reste plus que 32272. J'aime beaucoup celui-là. Il s'intitule « Pylône en ferraille ». Vous voyez les pylônes ? Parfait. Alors, du temps du capitalisme tardif, ces pylônes portaient le nom de antennes de tradingue. De trading, haute fréquence. Bon, quoi qu'il en soit, ces artefacts nous ont été ramenés l'an dernier de fouilles archéologiques en Amérique. C'était en juin 2146, lors d'une expédition sur l'île engloutie de Manhattan, au large de la New Yorkie. L'expédition était menée par Archibaldine Wollstonecraft, dite Archie Laughlin, dite aussi Archie. Une vraie exploratrice. La fille la plus dégourdie de toutes les zones sorcières d'Amérique. D'ordinaire, les gens du coin évitaient l'île engloutie de Manhattan à cause des matières bizarres qui remontaient à la surface. Mais c'est là qu'Archie se rendit avec son voilier. Alors que le voilier arrivait à la verticale du site capitalistologique sous-marin de Wall Street, elle découvrit une espèce de tour en verre à moitié immergée. Au sommet de la tour se trouvaient les pylônes. Elle en préleva une dizaine, autant que le voilier pouvait contenir, et les ramena ici, au musée du capitalisme tardif. Dans la collection, on avait encore des vieilles génératrices à électricité avec quelques restes de pétrole. Écoutez. Si bien qu'on a mis en route les pylônes et qu'ils ont commencé à biper dans tous les sens. Après quoi, les historiens et capitalistologues du coin se sont écharpés sur le sens des bips et des pylônes. D'après certains, je parle des professeurs Betty Wolf, Léa Dédalus et Takart Mac Takart, les pylônes jouaient un rôle dans des rites en rapport avec les dieux de l'époque dont on a retrouvé les noms gravés partout sur les tiges. Par exemple, le dieu Nazcad, il s'appelait Nasdaq, et aussi Nikkei, Dax, Foot 6500, Crack 40 et j'en passe. Quel nom bizarre pour des dieux, hein. D'autres prétendent que ces tiges servaient à l'organisation de la vie matérielle. Je parle des capitalistologues Simona O'Keefe et Donald McKenzie. Ils affirment que les pylônes s'envoyaient des signaux entre eux, puis les traduisaient en ordre financier qui affectait le mouvement des cargos de marchandises partout dans le monde. Bref, retenez qu'on sait encore peu de choses définitives sur le sujet. Mince, la bande magnétique du premier enregistrement arrive au bout et il me reste encore 32271 artefacts à vous présenter. Avant que ça ne coupe, je dois préciser un truc pour la visite. On n'est pas dans un musée tout à fait ordinaire et il va falloir respecter quelques règles. Sans quoi, ça pourrait s'avérer très dommageable. Pour vous donner une idée, imaginez qu'un envoûtement capitaliste vous aspire l'âme jusqu'à vous faire exploser la tête comme une pastèque. Eh bien voilà, c'est de ce genre de désagrément-là dont je parle. Donc, règle très importante, pas touche aux objets. Ce sont de vrais objets capitalistologiques, encore pleins de pétrole et d'envoûtement de l'époque. Si vous les touchez, vous risquez d'attraper le cancer ou pire, d'attraper des chaînes mentaux du capitalisme tardif. Alors, gardez vos mains dans vos poches, ok ?